début de quelques jours dans la vie. Comment la fumée assassine, comment m'a sonné le pire. Ces prisonniers dans la guerre. Juste une mince affaire mise au point sur les regrets, mise au point sur bien beaucoup de remords, et des remords qu'elle appelle. Au point de vue, au point de vue de quelques jours dans la vie, ce qui commence, ce qui finit, on sait quoi sur ta vie, sur ta jolie couleur de peau. Je me suis pendu, dépendu, répandu. Je sais pas c'est quoi ces lointains rivages, ces lumières au loin là-bas qui me disent dégage. Tout au fond là-bas, confinement, confinement là-bas. Putain, mais qu'est-ce que tu fais, chier? Apparemment, casse-toi de là. Tu casses les couilles, putain. Mais qu'est-ce que tu fais, apparemment? M'emmerder? Apparemment. À part. M'emmerder. Le point de vue de quelques jours dans la vie. Tous les mots se faufilent, se défilent, s'enracinent et se mélangent dans la vie. Clarté du soir. Comment la fume maçonnerie ses prisonniers dans la guerre. Juste une mise au point si que par comment. C'est quoi et là tu siffles couleur de ma peau, de ta peau. Je sais pas c'est quoi le bruit là, le lotissement là-bas, tout s'effondre, s'effondre comme finement. Ouh, oh là là. Tous les mots se mélangent, toutes les phrases se détendent. Thank you.